Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors Christophe, de quel accordéoniste vas-tu nous parler cette semaine ? Eh bien, figure-toi que c'est un duo qui nous arrive de Savoie, du côté de Marteau, qui s'appelle le Petit Musette. C'est Sébastien et Sonia, que tu connais très bien. Bien sûr. On va tout de suite les écouter dans un morceau qui s'appelle La Montagnette. Oui. Es-tu toujours d'accord pour remonter le temps ? Évidemment, Arlette. Alors, en route ? On y va. Nous voici arrivés en 1951. Hop, hop, hop. Notre télévision a fait un bond considérable. Lille est reliée à Paris et rejoint désormais le programme national, tout en conservant quelques émissions locales avant ou après celle de Paris, qui compte désormais plusieurs heures de diffusion sur la région parisienne et dans le Nord. C'est ainsi que nous pouvons découvrir sur les quelques petits écrans de nos privilégiés les grandes vedettes de l'époque, leurs visages, leurs silhouettes. Luis Mariano avec Mexico, de l'opérette bien connue Le Chanteur de Mexico. Et dans d'autres opérettes, on retrouve aussi Andrex avec Fernand, prête-moi ton tonneau. Et oui, ça aussi, c'était un grand succès. S'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Fernand, prête-moi ton tonneau. Eh ben, je ne me serais pas fait prier, puisque des tonneaux, j'en ai. J'allais lui en faire cadeau. J'en ai bien plus qu'il ne m'en faut. Je sais pas qu'en faire, je les remplis d'eau. Je les coupe en deux, je fais des baquets. Je les coupe en vingt, je fais des cerceaux. Non, s'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Fernand, prête-moi ton tonneau. Mais il m'a pas dit ça, c'est la manière qu'il n'a pas. Et ça, ça ne se pardonne pas. Il est entré dans la maison sans se servir du paillasson. Il a bousculé mon cabot, puis s'est emparé d'un tonneau. Il en a sifflé le bon vin que je couvais pour l'an prochain. Puis il m'a pris trois saucissons qui se balançaient au plafond. Non, s'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Vernon, prête-moi ton tonneau. Hein? Mais il m'a pas dit ça. C'est la manière qu'il n'a pas. Et ça, ça ne se pardonne pas. Ce tonneau, quand j'étais petit, pendant longtemps fut mon berceau. Plus tard, on y mit de l'eau de vie. Et tout dernièrement, des pruneaux. Il était fait avec le bois, du bois de lit de Henri III, avec un trou dans le mi-temps. Je parle du tonneau, évidemment. Non, s'il m'avait dit gentiment, s'il m'avait dit poliment, Vernon, prête-moi ton tonneau. Eh ben, je ne serais pas fait prier, puisque des tonneaux j'en ai. J'allais lui en faire cadeau. Ma femme disait, voyons Fernand, il t'en a prêté il y a 10 ans. Et comme elle lui donnait raison, je l'ai chassé de la maison. Elle disait, en pleurnichant, tout en faisant ses ballots, Fernand, recompte tes tonneaux. 1, 2, 3, 4, c'est idiot. 5, 6, 7, 8, j'en ai chaud. Parbleu, c'était sans tonneau. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Sorgia FM, Sorgia. Voici La Bourrée des Vosges, interprétée ici par Lionel Béluard. Sorgia FM. danser maintenant, bah écoutez, on vous propose de danser le fandango. Le fandango du Pays Basque, évidemment. Fandango du Pays Basque, fandango simple et fantasque, pour te danser dans les bras d'un garçon, une fille ne dit jamais non. Tout le pays est en fête, et tout le monde est poète. Chacun ce soir ne songe qu'à l'amour, la montagne flirte avec l'adour. Fandango, fandango, rythme tous les bravos, que répète l'écho de Sarabibao. C'est le chant des oiseaux, c'est le chant du ruisseau, c'est le chant de l'amour, fandango. Et on continue avec Lucien Auguste. Joséphine, Joséphine, tu as des jolis dessous. Joséphine, Joséphine, des colliers à ton cou. Me demander si tu m'aimes, je le pensais superflu. Je rêve de ta peau de reine et d'embrasser ton cul. Bien sûr, ça ne rime pas du tout, mais je t'aime et je m'en fous. Joséphine, Joséphine, pour moi tu es la plus jolie. Joséphine, Joséphine, je suis bien dans ton grand lit. Je te demande si tu trompes, tu me réponds oui oui oui. Tu me dis c'est une honte et tu veux me couper les cheveux. Bien sûr ça ne rime pas du tout et je t'aime et je m'en fous. Tu te baignes d'une tenue, les poissons de la lagune, excités sont tous émus. Si un homme te demande un beau jour où tu habites, toi tu lui tires la langue quand il te montre sa cravate. Bien sûr ça ne rime pas du tout, mais je t'aime et je m'en fous. Thank you. FM. Allez, le petit Musette est de retour avec un autre titre. Eh bien oui, parce que Sonia compose beaucoup. Eh bien, on va tout de suite l'écouter dans une de ses compositions, un passodoble dont elle a écrit les paroles et la musique. On l'écoute, Madame Torero. Pasodoble n'est pas traditionnel, car notre toréador est inhabituel. C'est une femme qui entre dans l'arène. Les spectateurs sont venus par centaines. Ils sont certains que la belle y laissera sa vie et se demandent pourquoi cette folie. La voilà qui entre dans son costume, défiant l'animal qu'elle apporte une. Elle fait de la peine, la dame de la reine. On sous-estime son talent et sa vigueur. On la déshabille d'un regard hostile. Est-ce l'animal ou l'homme qui doit lui faire peur? Cette jolie fleur aura beau tout faire, elle affrontera bien plus que son adversaire. Car son plus grand ennemi sont les préjugés d'autrui. C'est face à la rumeur que doit battre son cœur. La demoiselle, sous son air peu rebelle, laissa penser le taureau qu'elle finirait KO. Mais c'est sans talons aiguilles qu'elle va piquer à vif. De son regard intense, elle le laisse en transe. L'animal sombre à terre, la corrida il perd. Sous le regard hagard du public sans égard, la foule infidèle a changé de bord et acclame celle condamnée à tort. Madame la belle, reine de la reine, n'a pas eu peur du taureau et ses ardeurs. Usant de son charme et non de sa lame, pour avoir enfin raison de la rumeur. Une jolie fleur dans une peau d'homme doit affronter bien plus que son adversaire. Car son plus grand ennemi sont les préjugés d'autrui. Le masculin viril et fier n'en a plus l'air. Madame la belle, reine de la reine, de ce duel est déclaré le vainqueur. La jolie dame dans la dentelle, grâce à ce drame, a bien su faire parler d'elle. Cette jolie fleur dans une peau d'homme a fait changer le regard des spectateurs. Le masculin féminin était duel incertain et l'a fait naître un genre nouveau, Madame Torero. FM. En 1951, on découvrait aussi Henri Salvador avec Le Loup, la biche et le chevalier. Ah. Et puis Yves Montand dans une chanson écrite par Mick Michel, Un gamin de Paris. Quel succès! Et toujours en 1951, la plus grande d'entre tous, Édith Piaf, avec un grand succès. Plus bleu que tes yeux. Eh oui, écrite par Charles Aznavour, déjà. Déjà. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup du

année 1951. Lucien Jeunès, dans un joli slow, nous dit « Tu ne peux pas te figurer ». Oh non. Mais oui, c'est Lucien Jeunès. Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être recaliné. Ça ne peut pas s'exprimer ce que je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras. Tu ne peux pas te figurer quand ta main tendrement prend la mienne. Quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh bien non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Mets-toi bien contre mon épaule, c'est ton cœur qui bat près du mien. Ce sont tes mains là qui me frôlent. Oh mon amour, comme on est bien. Ta main tendrement prend la mienne. Quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh bien non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Amoureux dirait des mots merveilleux. Eh bien non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. On va clore ce volet de l'accordéon du Petit Musette avec... Eh bien, c'est un morceau qu'on nous demande très souvent, à la fois en bal, mais aussi beaucoup dans toutes nos émissions. Un grand classique, maintenant qui devient grand classique, L'Oiseau Blanc. Ah, j'adore cette chanson. En plus, donc, allez, c'est Sonia qui vous l'interprète. Depuis 3 ans, ayant fait le projet, traverser l'Atlantique, nos aviateurs, confiants dans le progrès, ont quitté le Bourget. Profitant d'un dimanche de printemps, dans l'espace ils s'élancent, tous deux montés sur leur grand oiseau blanc, pour vaincre l'océan. Ils sont partis tous les deux à travers les cieux, aux lèvres, sans crainte de l'ouragan ni du mauvais temps que la grande bleue soulève. Et dans l'espoir d'arriver, ils se sont envolés d'un geste suprême, bravant la mort, les dangers qui les guettent. Voilà des jours que nos gars sont partis de la ville lumière. Sont-ils vivants ou peut-être engloutis dans l'océan maudit? De toutes parts on attend angoissé une petite nouvelle, nous disons

Sorgia FM. Sorgia. Les matins des grandes montagnes, ils sont tombés d'Italie. L'Opin qui est sur les bagnes, à nos entrées les patries. Le Mont Blanc, Pont-Saint-Martin, le Mont Rose, le paradis, sont les terres maudits qu'on fait, et le teigne tout uni. Au matin, ta ma mère d'Avalaye, au matin, la patria di più, au campagne, si bien soleilaye, ton cachet d'un cochis d'après coup. Non s'entende lo cœur della flamma, dell'amour di pei della via, lo monte, lo terroir, notre mamma, sono la forza dei nobili d'auteur. Venga de taler lo cœur, s'atteillant verre e ses ponts, Saint-Vincent et Courmayeur, les pigros et piadimont. Mais le boy aïa serema, le sommeil est emborsé. Oh, le monde est cogné, même, sans épouse à vos orteils. Au matin, ta ma belle d'Amalaye, au matin, la patria di più. Au campagne, si bien soleilaye, ton cachet vient franchi d'après coup. Non s'entende lo cœur de la flamma, dell'amour du pays, de la via. Lo monte, lo terroir, notre mamma, son la force de nos valdotteurs. Son des monts, des paterazzo, son des rozzi tordizzants, des forêts, des verbocazzo, si son dons y font du plan. Le pays de l'Opizan, à septembre d'Iforier, d'un hiver et d'un satin, et le plein des étrangers. Au matin, ta ma belle d'Avalaye, au matin, la patria di più, aux campagnes, si bien soleilaye, ton cachet vient cochi d'après coup. Non s'entende lo cœur de la flamma, de l'amour du pays et la via. Lo monte, lo terroir, notre mamma, sont la force de nos valdotteurs. Lo monte, lo terroir, notre mamma, sont la force de nos valdotteurs. Sorgia Juste avant, c'était le groupe Message et voici maintenant Andrea Bocelli. Une belle, belle chanson, en public, enregistrée à Portofino. Voici Perfidia. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto. Pues ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y

bourgeois, artiste ou vagabond. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Il est malheureusement le temps de se dire au revoir et on se retrouve bien entendu dès la semaine prochaine sur votre station favorite, même station et même heure évidemment. Je vous embrasse, passez une très très bonne semaine, profitez bien et surtout dansez bien et on termine avec au revoir. Au revoir, j'essaie de sourire. Au revoir. Pour ne pas pleurer, au revoir, ces mots me déchirent. Au revoir, j'ai tant de peine à te quitter. Nous sommes tant aimés. Notre amour était bien trop fort. Ne m'en veux pas, mais malgré moi, je t'aime encore. Faudra apprendre à nous voir avec d'autres yeux. Sorgia FM, Sorgia FM.